Yeah. BK. Check it. Check it. Yeah. This is Super Underground. Yup. Wonder how you ain't heard of us? I'll explain. Yeah. We do this cause we love this. While these other artists do this for the fame. Branding and abandoning skill. Become a household name. Yeah. Well, fuck that. If you know the name of me and my crew, it's probably cause you found us. Yeah. Think with a like mind. Spit you can be proud of. Yeah. We don't need approval from you. Sit back and let us do what we do. No dollar amount you holler about, it's worth frontin', my dude. Front of me, bet the paramedics follow him out. Concentrated, ain't no water or doubt. Real, recognize real, it's why you never feel what I am about. Years deep in this, committed to the future of rap. World war wise, man, patient so the youth can adapt. I'd like to leave a human intact, but if he hassle me, I'll separate his head from his back. Maintenant yeah. Je kiffe. Avant je préparais des albums comme seul témoin ma compagne. Quand je poussais des ras-le-bol le jour, j'esquive la baque et les pillards. La nuit je lève les yeux, je nous imagine dans un billard. On a Louis Philippe peu de concert. Un microcosme de confrères. Garde le film car aussi sympa que le contraire. Tu m'imagines à l'affût du marché. Laisse-moi seulement chaque ban avec le doigt des archers. On cherche la victoire, mais un art présomptueux. Si ses branches ne prennent pas toutes les mêmes trajectoire, on veut de la hauteur, enterrés comme des minéraux. Allez, ne sont solidaires que dans leurs vidéos. Yeah, yeah, with nothing, still this is disgusting. Building a real life, I'm sealing the deal hustle. Avec yeah. Un rien, on rehausse le niveau. En groupe ou yeah. En solo, persuasif au micro. Yeah, with nothing, still this is disgusting. Building a real life, I'm sealing the deal hustle. Avec yeah. Un rien, yeah. On rehausse le niveau. En groupe. Un solo persuasif au micro. Yeah, listen, I walk through crowds like a ghost. Yeah. Nothing has changed since school. I'm still this quiet kid trying to follow city rules. On dusty stools, we tend to forget how much life changed us. Swaying from bar to bar before waking up on the first bus. My way to work, dying to bust a verse. Cursing the boss I never meant to vent before my bubble burst. No purse snatcher. And ladies won't let you. Even grannies carry sprays, my fears implanted by the media. It's easier to run, some never did. Few friends of mine live all year in the shade after taking the devil's bid. We handle things calmly, no need to call the police. Some make holes in their to watch buildings turn into palm trees. Mec avec un rien, yeah. Nous on pond des chansons dirigées par nos passions. Peut-on dire qu'on est chanceux? J'ai les viscères usés par sentiment d'abandon. Car dans ce monde d'escrocs, la morale à pondo. Alors on s'organise dans l'ombre, tributaire de personne. Contrebandier comme Capone, ma clé voyelle et consonne. Donc en somme, on fonctionne sans mécène. Ni DA au cul pour nous dire ce que les gens aiment. Ils veulent être stars, je les ferai supernova. J'ai une longueur d'avance quand eux pensent innover. Nos œuvres d'art, construites sur des gravats, seront sur toutes les lèvres avant que le scud soit gravé. Yeah, yeah, with nothing, still this is disgusting. Building a real life, I'm sealing the deal hustle. Avec yeah. Un rien, on rehausse le niveau. En groupe yeah. Ou en solo, persuasif au micro. Yeah, with nothing, still this is disgusting. Building a real life, I'm sealing the deal hustle. Avec yeah. Un rien, yeah. On rehausse le niveau. En groupe ou en solo, persuasif au micro. On the cage, on the cage.